Face au mur, de Martin Krimp. Oui, dit la réceptionniste. Que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider? Qui désiriez-vous voir? Avez-vous rendez-vous? Il lui tire une balle dans la bouche. Il lui tire une balle dans la bouche et s'engage dans le couloir. D'un pas assez rapide. Il s'engage. Bien. Oui. D'un pas assez rapide dans le couloir, ouvre la première porte qu'il voit. Entre directement. Entre directement. Oui, dit le maître d'école. Comment puis-je vous aider? Lui tire une balle dans le cœur. Tire une balle droit dans le cœur du maître d'école. Les enfants ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas immédiatement ce qui se passe. Qu'est-il arrivé à leur maître? Ils ne comprennent pas. Rien de semblable n'est jamais arrivé avant. Rien de semblable n'est jamais arrivé avant, mais ils comprennent. Bien sûr qu'ils comprennent. Ils ont vu ça à la télé, ils ont eu la permission spéciale de rester un peu plus tard, et ils ont vu ça à la télé. Ils savent exactement ce qui se passe. Et c'est pour cette raison qu'ils reculent. Instinctivement, ils reculent. Ok. Donc ils reculent. La pire chose qu'ils pouvaient faire, reculer. Mais il recule. Il recule dans le mur. Droit dans leur dessin sur le mur. Ma maison. Mon chat. Moi et mon chat. Ma maison. Moi et mon chat. Moi dans un arbre. Et c'est intéressant de voir comment certains d'entre eux se tiennent par la main. Et c'est intéressant de voir comment certains d'entre eux se tiennent par la main. Ils se tiennent instinctivement par la main. Comme le font les enfants, comme le fait un enfant. Si tu effleures sa main pendant qu'il marche à côté de toi, il va choper la tienne. Pas comme un adulte qui s'écartera. Ne touche jamais la main d'un adulte comme ça ou l'adulte s'écartera. Sauf si c'est quelqu'un qui t'aime. Un être aimé. N'importe qui d'autre s'écartera. Mais un être aimé prendra ta main comme un enfant. Il te fera confiance comme un enfant. Un être aimé ne s'écartera pas. Un être aimé te tiendra la main parce que cette main te rappelle ton amour. Des après-midi entières, par exemple, passées à simplement explorer les espaces entre les doigts de l'autre, ou à regarder au fond des yeux de l'être aimé les larges anneaux de couleurs dans les yeux de l'être aimé qui ressemblent à quelque chose. À quoi déjà? Ne m'aidez pas. Au précipité au fond d'une éprouvette. Mais n'importe qui d'autre, un adulte s'écartera, tout comme l'enfant. L'enfant A s'écarte maintenant de quoi? Oui. Du métal chaud. Du métal chaud. Merci, du revolver. Tout comme l'enfant A, à présent, s'écarte du métal chaud du revolver. Il tire sur l'enfant A. En pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant B. Il tire sur l'enfant B en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant C. L'enfant C, oui. Se baisse pour tenter d'esquiver la balle. Quoi? L'enfant C. Il tire sur l'enfant B en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant C. L'enfant C se baisse pour tenter d'esquiver la balle. Il tire. Non, oui, non. Il ne tire pas, oui? Mais en vain. Se baisse pour tenter d'esquiver la balle, mais en vain. Il tire sur l'enfant A en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant B, il tire sur l'enfant B en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant C, l'enfant C se baisse pour tenter d'esquiver la balle, mais en vain. Il tire sur l'enfant C, bien, en pleine tête. Et comment la vie le traite-t-elle? Quoi? La vie. Comment le traite-t-elle? La vie le traite très bien. Comment est son boulot? Son boulot est sans problème, bien payé et gratifiant. Et sa femme? Charmante et tolérante. Et comment vont ses enfants? Ses enfants vont bien. Il en a combien maintenant? 4. Il en a 4 et tous les 4 vont bien. Quoi? Ils vont tous les 4 bien? Tous les 4? Oui. C'est bien ça? Se porte à merveille. Il adore les faire sauter en l'air et les entendre hurler de joie. Quand ils rentrent dans leur belle maison, il les soulève et il les fait sauter en l'air et eux, ils hurlent. Et comment est sa belle maison? Elle prend de la valeur chaque jour. Bien construite et bien située. À proximité des services, des écoles, des magasins, des routes principales menant directement aux aéroports principaux. Des routes secondaires. Non. Oui, des routes secondaires. Oui. Des routes secondaires qui serpentent. C'est ça? Ne m'aidez pas. Oui, des routes secondaires qui serpentent à travers les prairies arrosées de sources, qui jaillissent à travers le calcaire. Et comment sont les écoles dans ce quartier? Les écoles dans ce quartier sont sans problème. Et les magasins? Oui. Comment sont les magasins? Épatant. Pour les courses, c'est épatant. Oui. Et il n'y a pas que les grandes chaînes. Formidable. Pour les courses, c'est épatant. Et il n'y a pas que les grandes chaînes, mais... Oui. Aussi ces petits commerces. Épatant, pour les courses, c'est épatant. Et il n'y a pas que les grandes chaînes, mais aussi ces petits commerces dont vous pensiez... Pensiez, non. Imaginiez, oui. Dont vous pensiez qu'ils avaient complètement disparu. Épatant. Pour les courses, c'est épatant. Et il n'y a pas que les grandes chaînes, mais aussi ces petits commerces dont vous pensiez qu'ils avaient complètement disparu. Moi, je pensais que ces petits commerces avaient complètement disparu. En fait, oui, c'est vrai. Mais pas ici. Pas ici. Ici, on peut trouver tous ces petits commerces dont tu pensais qu'ils avaient complètement disparu. Ils passent au suivant. À quoi? Aux artisans? Les artisans. Oui. Les gens qui relient les livres, les gens qui fabriquent les chaussures... Les gens qui aiguisent les couteaux, les gens qui reprisent les tapis, les gens qui vident les poissons, coupent le fromage, les gens qui mélangent les peintures. Il passe au suivant. L'approvisionnement en vivres. L'approvisionnement en véhicules particuliers. Oui. Les pièces détachées pour les voitures. Les pièces détachées pour les voitures qu'on ne fabrique plus, mais qu'on restaure avec amour. Il passe au suivant. Il tire sur l'enfant D en pleine tête. Donc il doit y avoir du sang. Eh bien, évidemment qu'il y a du sang. Pas seulement du sang sur les murs. Pas seulement du sang par terre. Mais du sang dans l'air. Du sang dans l'air. Du sang en suspension dans l'air. Une brume. Un aérosol. Un aérosol. C'est ça. C'est bien, ça. De sang qu'il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu l'aérosol de sang. Ni le son. C'est bien, ça. Ni le son de ses enfants angoissés quand sa tête était sur l'oreiller blanc. Sur l'oreiller blanc. Ne m'aidez pas. Quand sa tête était sur l'oreiller blanc, à se représenter la scène, mais maintenant, ne m'aidez pas. Mais maintenant c'est clair, maintenant le tableau est clair, et il y a un autre son. C'est quoi cet autre son? Ne m'aidez pas. Le son de son cœur, non, oui. Oui, le son de son cœur. Le son de son propre cœur. Le son du cœur du tueur qui résonne dans sa tête. Le son du cœur du tueur qui résonne dans la tête du tueur. C'est ça. C'est bien. qui n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu le son de son propre cœur dans sa propre tête, remplissant sa tête. Son propre cœur remplissant sa tête de sang qui bat dans ses oreilles, fait battre ses oreilles de sang comme un nageur. Pas nageur, ne m'aidez pas. Comme un plongeur, c'est cela. Plongeant dans le sang. Il est comme un plongeur plongeant dans le sang. C'est ça, c'est bien, très bien. Il descend profond, loin de la lumière. Il plonge dans le sang qui bat dans ses oreilles. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça? Hein, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Retourne-toi. Regarde ailleurs. Non. Retourne-toi. C'est ça. Retourne-toi ou c'est toi le prochain. Sois sage ou c'est toi le prochain. C'est ça. C'est bien. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant A. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant B. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C. Non. Oui, non, non. Ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Ne m'aidez pas. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant A. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant B. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Donc, tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Donc, ferme ta gueule. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Donc, ferme ta gueule de merde. Con. Con. Petit con. J'ai dit, ne m'aidez pas. Donc, ce n'est pas un personnage sympathique. Non. On ne peut pas le plaindre? Non. Ni pleurer pour lui? Non. N'a jamais souffert? Non. Vécu la guerre? Non. Vécu la misère? Non. La torture? La torture? N'a jamais été torturé? Oui, à cause de ses croyances. Tu as entendu ce que non. J'ai dit? Non. Quelles croyances, non? Abusé, alors, quand il était petit? Non. On la lui a pas mise dans le cul quand il était petit? Non. Ou dans la bouche? Non. Battu? Battu. Par son vieux qui aurait cassé un pied de la chaise de la cuisine. Battu avec un pied de chaise. Non. Et ses propres enfants? Oui. Peut-être qu'ils sont malades? Non. Sa femme? Non. Quoi, sa femme? Malade? Non. Est-ce que sa voiture est peu fiable? Non. Et le lait? Oui. Est-ce que, dans son quartier, le lait est livré en retard? Non. Ou le courrier? Parfois. Comment est-il? Quand le courrier est en retard? En colère. Donc, ensuite, il va tuer le facteur. Typique. Bien sûr que non, il va pas tuer le facteur. Ce n'est pas la faute du facteur. Il sait bien que ce n'est pas la faute du facteur. Parfois, il y a des problèmes dans le tri des lettres. Il se peut que la machine à trier soit tombée en panne, par exemple, et que les lettres doivent être triées à la main. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de colis, et chaque colis implique une conversation sur le pas de la porte. Une conversation sur le pas de la porte. Oui ? Au soleil. Implique une conversation sur le pas de la porte. Au soleil. Et parfois, le fils du facteur n'arrive pas à réveiller le facteur. Pas, qu'il dit. Il est 5 heures. Réveille-toi, il est 5 heures. Pas, qu'il dit. Réveille-toi, il est 5 heures. Je t'ai apporté ton l'heure petit de se déjeuner. Lever. Quoi? L'heure pas, de se pas, lever. Pas, qu'il dit. Réveille-toi, il est 5 heures. L'heure de se lever. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Mais le facteur... mais le facteur se blottit encore plus fort contre le mur. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai entendu mon fils m'appeler. Me suis tourné face au mur, me suis tourné de l'autre côté. Eh, pas qu'il m'a fait. Eh, pas v'là ton petit déjeuner. Fiston, je lui ai dit, ton pauvre papa n'est plus. Est venu vivre dans sa tête un autre individu. Eh fils, ton père est à la casse. Eh fils, ton père c'est une carapace. C'est une autre personne qui dit tous ces mensonges. C'est une autre personne qui habite un mensonge. Eh fils, il n'arrête pas de porter plainte. Eh fils, il me souffle mes pensées. Mon fils m'a servi un thé d'une théière émaillée, poilée tant il est chaud, m'a dit pas, bois donc ton thé. Papa, t'es pas malade du tout, t'es face au mur, voilà tout. Dis donc pas, t'es qu'un menteur, un faussaire. Retire-moi ce pyjama, y'a des livraisons à faire. J'ai soulevé ma tête de ma tête d'oreiller. Et le thé à la gueule, je le lui ai jeté. Dis donc fiston, s'il y a une chose que je sais, c'est qu'il ne faut jamais mettre du beurre où ta peau est brûlée. Et puis je n'ai pas le choix. Eh fils, je ne fais qu'entendre cette voix qui dit do, ba ba do, ba ba do, ba ba do, ba ba do, ba ba do. J'ai ouvert un œil ce matin, j'ai entendu mon fils m'appeler. Me suis tourné face au mur, me suis tourné de l'autre côté. Eh fils, j'entends ce que tu dis, mais il n'y aura pas de livraison aujourd'hui, tant pis.